toute nue sur la plage. Tu es faite pour moi. Toute nue sur la plage. Je n'aime que toi. Et je n'aimerai que toi. En amont de décembre, en août, même tout le mois. Car tu es tout pour moi, ton cœur est rouge et mes joues sont violettes. Toute nue sur la plage, je n'aimerai que toi. Toute nue sur le sable, je ne pense qu'à toi. Tes joues sont rouges, mon amour. Je n'aimerai que toi. Tu es tout pour moi. Car tes joues sont rouges, mon amour. Wow. Merci, c'est bien. Et pour une guitare, avec deux cordes, c'est pas trop mal. Juste. Ouais, quand même, ouais. Parce que j'ai plus que ça et ça. Bon, on va prendre la B. Ouais. Et...